Larouche avec la pièce Mon nom à Stéréo Local. Et là, ben, c'est le retour des vacances de Raymond Poirier. Bonjour Raymond. Bonjour Michael. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Passé de belles vacances. J'ai vu que tu étais au soleil en tout cas. Oui, j'étais au soleil et là, on se retrouve tranquillement à la chaleur. Mais je me dis en même temps, faut garder en tête et j'essaie de garder les choses en perspective. Là, dans 6 mois, je vais pouvoir venir à ton micro et dire, mon Dieu, il fait froid et me plaindre oui, du grand froid. Effectivement. Et aujourd'hui, c'est des grandes chaleurs. Donc, on en profite quand ça passe. Mais c'est à peu près les seules journées où je suis vraiment nostalgique de me plaindre qu'il fait froid. Oui, ben moi en fait, à haut de 25 habituellement, je commence à être moins confortable, mais je ne m'en plains pas, on fait avec. Pour ton retour dans tes chroniques technologie de l'information, Raymond, aujourd'hui tu nous parles d'avenir, évidemment, et en fait, on parle de l'utilisation des technologies dans la santé, et c'est un organisme britannique, en fait, Nesta, qui a publié un rapport récemment, et donc tu vas nous présenter ce rapport-là du côté des Britanniques. Exactement, mais en fait, c'est toujours, faut dire, une grande question, et la plupart des pays, justement, essaient de voir de quelle manière on peut envisager l'évolution du système de santé, de quelle manière on peut appréhender, si on peut dire, l'intégration des technologies de l'information, tout en sachant que peut-être contrairement à d'autres secteurs, en matière de santé, on est peut-être un peu plus en retard que dans d'autres zones parce que peut-être d'un côté, c'est un réseau qui est difficile à transformer. Il y a quand même énormément d'impératifs. La structure est lourde. Puis on parle de grands enjeux quand même. On joue avec la vie et la santé des gens. Donc, c'est pas rien. On veut pas faire d'erreur et il faut pas faire d'erreur. Et parallèlement, on est quand même face à une réalité qui va et qui évolue de manière extrêmement rapide. Alors, cet organisme britannique-là qui s'appelle Nesta a proposé un rapport à l'intention évidemment du gouvernement britannique, où on essaie d'envisager les grands défis, d'envisager les champs d'application. Et d'emblée, on dit, d'un côté, on a des propositions au niveau des technologies de l'information qui nous amènent la possibilité d'une explosion d'une certaine médecine plus personnalisée, qui peut même être lié à l'implication de la génomique. Donc, on peut aller vraiment très, très précis dans les suivis et dans le traitement. Et parallèlement, on a aussi la possibilité qu'offrent les technologies numériques. On en a déjà parlé un peu dans certaines chroniques. Donc, l'idée qu'on peut suivre, analyser, partager notre propre santé, nos propres informations de santé, et évidemment tout ça qui est lié à la gestion aussi des maladies chroniques. Donc, ça peut être quand même extrêmement intéressant. À ça, on dit, justement, ça permet peut-être une source d'innovation sociale qui serait à cultiver, qui pourrait améliorer la qualité des soins et la qualité de l'innovation en santé. Et parallèlement, ça pourra aussi nous amener encore plus de données pour essayer d'améliorer, dans le fond, la qualité, la promotion des styles de vie sains, en fait, d'un mode de vie sain. Donc ça, c'est un peu les quatre axes sous-jacents, si on peut dire, selon eux, à tout ça. C'est sûr qu'en fait, de ce que j'en comprends, ça amène une efficacité dans le système de santé, dans le traitement, mais une responsabilité aussi, à un moment donné, individuelle, parce que, tu peux être conscient de tes propres trucs et, finalement, tu peux contrôler les informations d'une certaine manière. Exactement. Plus d'informations personnelles, plus de responsabilité pour le patient, et à travers, plus cet amalgame d'informations personnelles-là, on en arrive en croisant à beaucoup plus d'informations, une qualité beaucoup plus intéressante. Évidemment, on en disait, la question, c'est beaucoup en lien avec, finalement, l'évolution des tendances. Donc, d'un côté, les tendances imposent un peu à la médecine la nécessité d'explorer ces nouvelles possibilités-là. Mais en parallèle, il y a aussi le fait que les patients, autant que les médecins, veulent utiliser aussi des éléments qui, dans d'autres sphères de leur vie, sont déjà explorés, sont déjà utilisés. Et c'est déjà le cas, de toute façon, aussi en santé, on s'entend, il y a des médecins qui font la tournée avec des iPads, il y a des applications médecine qui sont reconnues. Ah bon, il y a des masses d'applications médicales, mais dans la masse d'applications médicales, il y en a des vraies qui sont véritablement analysées par des organismes reconnus au niveau médical. Donc, il y a déjà quand même une certaine présence. Et ce qu'on dit, c'est que ça va s'accentuer, mais dans un horizon quand même qu'on voit assez lointain. Là, le rapport, lui, se lance dans une espèce d'analyse sur à peu près une quinzaine d'années. Donc, ce qu'on dit, c'est pas un horizon de 5 ans qui va nous permettre de réinventer la manière dont on traite, mais un horizon de 15 ans, c'est peut-être un peu plus raisonnable. Oui, 15 ans, effectivement, ça ne chamboule pas. Je ne sais pas si... je sais pas à quel point, par exemple, là-bas sont ouverts à ça, le système de santé, à quel point, par exemple, j'imagine qu'au Québec, par exemple, il y aurait certains tollés, je sais pas, comment c'est reçu là-bas? Je te dirais que ça doit pas être assez positivement, je dois le dire, en fait, pour l'instant, c'est pas nécessairement, disons, analysé de manière détaillée dans, dans le rapport. Par contre, il y a une section où on dit ben que au niveau des faiseurs de politique, donc au niveau de la sphère législative, eh ben il y a la nécessité pour que cette révolution puisse marcher, qu'ils prennent avec sérieux la mise en place et le développement surtout d'interventions et de traitements médicaux. Ben, en fait, évidemment que tout ça aura une influence importante sur l'évolution des solutions en santé. Alors, il y a cet axe-là, il y a l'axe aussi au niveau de la promotion auprès des gens. Donc, évidemment, il faut que les faiseurs de politique soient en mesure de bien appliquer les choses et parallèlement... Papa est en train de parler au micro, mon grand. Et parallèlement, il y a aussi donc la notion des gens, donc des utilisateurs, auxquels il faudra apprendre finalement à utiliser ces éléments-là. Donc, il y a cet axe-là. Oui, continue. Il y a aussi parallèlement donc l'idée que les patients en 2030 ben vont peut-être aussi avoir un peu plus d'informations. Donc, on va avoir augmenté le degré de précision. Donc, encore là, ben ça va permettre d'aller explorer de plus avant la complexité toujours grandissante des éléments en santé, d'amener des infrastructures qui vont être liées à ça. Donc, il y a une notion d'ubiquité peut-être qui va être aussi développée, plus avancée, en lien avec l'Internet des objets, en lien avec la possibilité que les gens vont avoir de mesurer peut-être presque en temps réel leurs données. Et évidemment, ben on espère aussi qu'en 2030, dans un contexte où les faiseurs de politique, où les gens vont être plus à même de s'approprier tout ça, eh ben que l'organisation même des lieux où la santé s'analyse, se traite, ben vont être aussi eux-mêmes réinventés. Donc, évidemment, on est dans la prospective, mais si tu me demandais présentement, est-ce qu'on est prêt à se lancer là-dedans, mais je pense qu'il y a une volonté qui est nette de différents acteurs, mais comme tu disais, ça reste aussi un changement culturel en profondeur, et c'est pas nécessairement tous les systèmes de tous les pays qui sont prêts à faire ce saut-là non plus. Non, et chaque pays, j'imagine, va avoir sa méthode et sa façon de faire. Quoique 15 ans, ça a l'air loin, mais en même temps, ça va vite 15 ans aussi. Oui, puis en même temps, c'est le rapport aussi, c'est puis je pense, l'argumentaire qui rentre dans l'esprit des décideurs d'aujourd'hui, l'argument financier. Et donc, la question, c'est à savoir, est-ce que ça va être aussi économiquement viable de faire ça? Donc, oui, au niveau de l'efficacité, il peut y avoir des gains, mais est-ce que ça va se transformer aussi en gains monétaires? Et, ben dans le fond, essentiellement, on dit que, normalement, il y aura une diminution de services de santé. Il y aura, évidemment, donc, une meilleure prévention, un meilleur traitement plus efficace, plus efficient, une recherche, évidemment, qui va se transformer plus rapidement en traitement, et aussi, évidemment, une réduction des erreurs aussi. Donc, tout ça, on dit, ben, regardez, on va avoir une plus grande efficacité au niveau des traitements, mais c'est généralisé. Mm-hmm. Et cette plus grande efficacité-là, nécessairement, va se transformer en des coûts moindres pour le système de santé. Évidemment, le tout, il faut que ça se mue, que les dossiers informatisés, comme au Québec. Voilà. Merci, Raymond.